pas balle, t'as tiré dans le mille. J'perds pas mes valeurs, j'suis dans les ennuis. J'fais des rodéos sur les avenues de Saint-Denis. C'est là que tu m'as perçu, sur le 2 ennemis.